Jean Bosco, Douiman. Bonsoir à vous tous et bienvenue à ce journal, la dernière édition de ce 20 octobre 2018. En voici les grandes articulations. Le personnel du centre hospitalo-universitaire de Kamenge en grève depuis le début de cette semaine décide de reprendre le travail dès mardi prochain en échange de la libération des syndicalistes détenus et d'un engagement écrit de la direction de cet hôpital pour la poursuite des négociations. Une assemblée provinciale du parti Ranak a été interdite ce samedi en zone Gatumba, sans raison selon le porte-parole de ce parti qui affirme que les autorités locales en étaient informées. L'administrateur de la commune Mutimbuzi explique que les militants de ce parti n'avaient pas précisé l'ordre du jour de la rencontre. Et deux militaires ont été blessés dans une attaque perpétrée la nuit dernière à Nyamitanga, en commune Ouganda de la province Cibitoke. Le porte-parole de la Force de défense nationale précise qu'un fusil a été saisi. Et dans la chronique Agriculture, un jeune artiste peintre nous parlera de la nécessité de création d'une académie des beaux-arts au Burundi. Et après cette édition, vous aurez droit au journal des journaux. C'est la revue de presse que je vous présenterai avec Mireille Kanyang. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Rebonsoir. Le personnel du centre hospitalo-universitaire de Kamenge, regroupé au sein des syndicats SINAPA et SNTS, décide de suspendre leur mouvement de grève et de reprendre le travail à partir de mardi prochain. Dans un communiqué rendu public ce samedi, ce personnel explique que cette décision est prise après un dialogue qu'il a eu avec la direction et les délégués du Comité national du dialogue social. Il demande qu'afin d'assainir le climat, la direction de cet hôpital s'engage par signature d'un document garantissant la poursuite des négociations et la libération des syndicalistes détenus. Interdiction ce samedi par le chef de zone Gatumba de la tenue de l'Assemblée provinciale du parti Rana qui était prévue dans la zone Gatumba, en commune Mutimbuzi de la province de Bujumbura. Georges Nikiza, porte-parole de ce parti, déplore qu'aucune raison n'a été avancée pour interdire la dite assemblée. Il ajoute que l'administrateur et le chef de zone en personne avaient été informés. Suivez plutôt Georges Nikiza, il est au micro de Placide Niyomwongere. Nous avons respecté toutes les procédures visant à informer l'administration que le parti Ranak va tenir une réunion pour vérifier l'implantation du parti en province. Les lettres de formation étaient déposées respectivement dans la commune de Mutimbuzi et dans la zone de Gatumba. Même les responsables du parti Ranak au niveau de la base ont eu l'occasion de rencontrer personnellement et physiquement le chef de zone Gatumba, la personne de Hussein. Il a accepté, malheureusement, vers 10 heures. Le chef de zone avec son entourage était déjà dans le cabaret en train de boire. Malheureusement, le chef de zone de la zone Gatumba a juré terre et ciel qu'il n'acceptera jamais que la réunion du Ranak se déroule dans sa zone. C'est ainsi qu'il a intimé l'ordre aux premiers arrivants de sortir et que la réunion vient d'être suspendue. À lui demander pourquoi cela arrive, il n'a pas donné aucune explication. On l'a montré la lettre d'information signée et scellée avec l'autorité compétente, mais il a dit que tant qu'il est le chef de zone Gatumba, il n'acceptera jamais que le Ranak tiendra une réunion. Vu la situation, vous avez informé son chef hiérarchique. L'administrateur de la commune Mutimbuzi a eu une information. Il a accepté que finalement cette réunion était bel et bien connue et que ne comprend pas le comportement du chef de zone. Mais lorsque nous avons informé le chef de zone ce que l'administrateur vient de nous dire, il a dit que tant qu'il est chef de zone, il n'acceptait pas que la réunion soit tenue. Ce que nous demandons tout simplement, c'est un clin d'œil au gouvernement. L'administration de base est en train de jouer contre la volonté du pouvoir d'assainir le climat politique et de déverrouiller l'espace politique burundais. Et l'administrateur de la commune Mutimbuzi accuse les représentants de ce parti Ranak de n'avoir pas précisé l'ordre du jour de la dite assemblée générale, ce qu'il appelle cahier de charge. Damien Barindambi appelle ces derniers de le faire pour avoir une autorisation écrite. Il a été joint au téléphone par Placide Niyomwongere. Ce qui a poussé que cette assemblée générale du parti Ranak n'a pas été tenue, ils n'ont pas avisé les points à l'ordre du jour, surtout connaître ce qu'ils vont réaliser au cours de leur assemblée. Ils affirment qu'ils avaient transmis une correspondance chez vous. Je vais leur demander, c'était une information qu'ils vont tenir une réunion. On n'avait pas le cahier de charge de la réunion. Est-ce que vous avez porté à leur connaissance ce qui manquait pour la tenue de l'assemblée? Voilà ce qui a poussé que la réunion n'a pas tenu. On n'a pas accepté. Il n'y a pas une correspondance émanant de l'administration communale leur permettant de tenir une réunion. Ils indiquent qui vous a contacté après avoir eu l'ordre de ne pas tenir l'assemblée et que vous-même, vous avez autorisé la tenue de l'assemblée en général. Est-ce que c'est une contradiction? L'autorisation verbale ou écrite, l'autorisation doit être écrite. C'est ça qui justifie que la réunion devrait être... Nous interpellons alors les dirigeants du parti quand ils vont tenir une réunion dans notre commune, amener le cahier de charge de la réunion pour que l'administration à la base et même la police en place puisse sécuriser, sachant ce qu'ils vont faire. Damien Barindambi, c'est l'administrateur de la commune Mutimbuzi dans la province de Bujumbura. Deux membres de l'armée burundaise blessés, un fusil de type Kalachnikov. Voilà le bilan d'une attaque armée perpétrée en zone Nyamitanga de la commune Buganda en province Cibitoke. Le colonel Floribert Wiyereke, porte-parole de l'armée burundaise, parle d'une attaque de bandits. C'était hier. Un groupe de malfaiteurs venu du Congo avec l'intention de voler dans la localité de Nyamitanga, en commune Buganda, dans la province de Cibitoke, est arrivé aux environs de 22 heures et lorsque ce groupe est arrivé, il est tombé dans une planque de nos éléments qui sont déployés dans cette contrée. Nos éléments ont vite contrôlé la situation en mettant les malfaiteurs hors d'état de nuire et ces bandits ont fui en débandade, laissant sur place une arme de type Kalachnikov. Du côté ami, nous déplorons des militaires qui ont été légèrement blessés. Et ce que nous pourrions encore une fois signaler, c'est que les malfaiteurs ont fui en direction du Congo d'où ils étaient venus. Mais qu'est-ce qui a été volé? Jusqu'à l'instant, je n'ai pas de précision par rapport à ce que ces bandits auraient volé. Nous demandons à la population de rester sereine. Ce sont des attaques sporadiques qui sont menées par des bandits transfrontaliers. Nos éléments seront toujours vigilants afin de sécuriser la population et leurs biens. Et le parti CNDD-FDD demande à la justice burundaise de donner la lumière sur l'assassinat du héros de la démocratie pour que les commanditaires soient traduits devant la justice. Dans une déclaration de ce parti ce samedi, à la veille de la commémoration du 25e anniversaire de l'assassinat de Melchior Ndadaye, le secrétaire général de ce parti, Evariste Ndayishimiye, appelle la communauté internationale à soutenir le Burundi dans ses initiatives de lutter contre l'impunité. Et le parti au pouvoir demande également à l'État burundais de coopérer avec le bureau du facilitateur dans la crise burundaise pour établir la liste des participants au cinquième round des pourparlers inter-burundais. Le secrétaire général de ce parti, Evariste Ndayishimiye, appelle les hommes politiques burundais en exil à rentrer pour participer aux élections de 2020. Et le Conseil national de la jeunesse n'a pas répondu présent au cinquième round qui se déroule à Arusha depuis ce 19 octobre entre les représentants des associations de la société civile. Le président du dit conseil a indiqué dans un communiqué que c'est parce que le mois d'octobre est consacré à la commémoration des anniversaires d'assassinat de l'un des héros de l'indépendance et de la démocratie. Erast Nzosaba a demandé plutôt le report de ce cinquième round du dialogue externe burundais. Également dans l'actualité, la loi régissant la commission vérité et réconciliation sera révisée comme recommandée par les deux chambres du Parlement et la nouvelle loi va préciser le mode de remplacement des membres de cette commission. Le secrétaire général et porte-parole du gouvernement l'a déclaré à l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi. Prosper Naugwamiye fait savoir que la même loi prévoit l'intervention des experts internationaux en cas de besoin. En date du 10 octobre 2018, la Commission Vérité et Réconciliation a présenté son rapport provisoire au Parlement. Après échange des parlementaires, une résolution comportant des recommandations a été adressée au gouvernement. La principale recommandation formulée concernait la révision de certaines dispositions de la loi régissant la CVR. Sur base de ces recommandations faites au gouvernement, le présent projet propose les modifications entre autres en rapport avec la prolongation du mandat de la Commission et le mode de remplacement d'un membre de la commission. L'insertion d'une disposition qui permet au Parlement d'évaluer à mi-parcours les réalisations de la commission pour ainsi disposer d'une base légale. Inclure la période de la colonisation dans le mandat de la commission. Donner à la commission la compétence de gérer les restes humains déterrés dans des fosses communes jusqu'à la manifestation de la vérité. Préciser dans quelles conditions l'assistance des experts internationaux est requise, ainsi que les qualités et les compétences à exiger. À l'issue du débat sur ces modifications, le projet a été adopté, moyennant quelques corrections. Prosper Naogwami est porte-parole du gouvernement qui a indiqué que la révision de la loi du mode de gestion de la société sucrière du Monceau a été adoptée par le Conseil des ministres pour inclure les investisseurs privés. Radio Isanganiro, chronique culture. Les décideurs devraient multiplier les écoles secondaires techniques et même créer une académie des beaux-arts au Burundi pour accueillir des jeunes artistes talentueux comme des peintres qui pourraient bien représenter le Burundi dans des expositions internationales. Ces expositions sont des occasions de relater la beauté, la culture, les mœurs d'un pays et génèrent aussi beaucoup d'argent, comme l'affirme un jeune artiste peintre du Burundi, Christian Boudjiriri, que Christian Xavier a interviewé. Et voici la chronique culture avec Christian Xavier. Dans la précédente chronique art et culture de la semaine passée, le jeune peintre Christian Boudjiriri nous a parlé de ses débuts, de ses expériences et de comment la peinture est appréhendée au Burundi. Dans la chronique d'aujourd'hui, cet artiste va nous parler de la peinture où l'image n'est pas abstraite, comme un visage, une maison, une voiture, etc. Surtout pour l'acheter et le donner comme cadeau dans des festivités. J'ai déjà eu beaucoup, plusieurs commandes de Burundais locaux qui demandent des cadeaux ou des mariages pour différents événements, anniversaires, un adieu ou une fête d'accueil, voilà. Donc c'est bon, c'est une bonne chose pour les artistes locaux. Christian Boudjiriri interpelle les décideurs. Oui, c'est très important, D'ailleurs, il fallait même en augmenter. L'école de Gitega, c'est la seule école d'art au Burundi. Il fallait même avoir une faculté d'art, parce qu'il n'y a pas de faculté d'art au Burundi. Il fallait avoir même une académie de beaux-arts, parce que l'école d'art, c'est comme au secondaire, c'est une école secondaire, c'est pas une université. Donc, faut approfondir, je pense, oui. Comme ça, si le Burundi peut se retrouver à l'échelle internationale dans le domaine de l'art, ça serait quelque chose de très important. Voilà, pour tailler sa place sur la scène internationale, il faut l'Académie des Beaux-Arts. Mais en attendant, les jeunes artistes burundais peintres se débrouillent bien. Oui, Clovis Ngoy, dont j'ai cité avant, ou Nelson Yakir, oui. Oui, ce sont des Burundais, oui. C'est des amis personnels, c'est des exemples, il y a beaucoup. Il y a Turuso Kashi, voilà. Christian Boudjiriri a des occasions pour montrer son art. Oui, j'ai déjà exposé à plusieurs reprises. Avant, j'exposais dans le collectif Maoni, c'est un collectif d'artistes évoluant au Burundi. J'ai eu 2 expositions individuelles. J'ai même participé à la biennale de l'East African Community, la biennale d'art de l'East African Community, qui a fait la tournée de toutes les capitales de l'East Africa et s'est terminée ici, clôturée au Burundi en janvier 2018. Par ses expositions, Christian suscite des interrogations par rapport à l'histoire, à la culture, etc. Oui, exemple des questions. Au point de vue culturel, d'abord, mon identité culturelle, d'où est-ce que je viens profondément. Certaines questions historiques ou bibliques par rapport au masque dans la culture africaine. Aux reines guerrières, c'est-à-dire les femmes qui ont contribué à l'émancipation féminine avant, à l'époque précoloniale, avant le colonialisme. Il y en a beaucoup d'exemples, les Amazones du Dahomey, Nzingambandi, Ririkumutima du Burundi, il y en a beaucoup. Vous saurez que dans les prochaines chroniques art et culture des semaines prochaines, la radio Isanganiro va découvrir d'autres talents cachés des peintres dans les quartiers qui vont nous parler des portraits, mais également découvrir la place de la peinture burundaise par ces artistes burundais qui se trouvent dans le reste du monde. Merci Christian Xavier, merci Christian Boudjiriri pour ses éclairages sur la peinture au Burundi. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à François Akimana pour la mise en onde. Mireille Kanyangé me rejoint dans ce studio pour la présentation du journal des journaux. J'ai nommé la revue de presse. Une bonne soirée. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous captez. Relations belgo-burundaises de mal en pis, titre le journal Iwachu. Dans un communiqué sorti la veille de la 56e commémoration de l'assassinat du héros national de l'indépendance, le gouvernement du Burundi épingle ouvertement la Belgique d'avoir une grande responsabilité dans l'assassinat du prince Louis Rwagasore et de sa famille. Pour ce confrère, c'est une sortie qui risque d'exacerber les tensions existantes. Mais notre confrère rapporte l'analyse d'un observateur avisé qui trouve normal que le Burundi relance ce débat, que rien n'exclut que la Belgique puisse reconnaître son implication dans l'assassinat de Rwagasore, comme elle l'a fait pour l'assassinat de Lumumba ou comme la France a reconnu ses crimes commis dans la guerre d'Algérie. Cet observateur conclut son analyse dans les colonnes d'Iwachu en expliquant que la Belgique devrait aussi reconnaître sa responsabilité, d'autant plus que les dirigeants belges d'aujourd'hui n'ont pas connu la colonisation et qu'ils n'ont pas de responsabilité personnelle dans ce qui s'est passé dans les années 1960. Toutes les réactions recueillies par Iwachu sur ce sujet convergent sur la nécessité que la lumière soit faite sur cette affaire. Pour Tassin Sibomana, acteur politique, les Burundais ont besoin de savoir qui a conçu et planifié ce crime, mais il estime qu'il faut d'abord apaiser les tensions existantes entre les deux pays. Pour le secrétaire général du parti UPRONA, exiger la justice n'a rien à voir avec les relations entre les deux nations. Il faut que justice soit faite et que la vérité éclate au grand jour. Le porte-parole du parti Frodebout trouve de son côté que le gouvernement aurait dû attendre les conclusions d'une commission, puisqu'avec des accusations balancées sans preuve, il y a risque de les qualifier de gratuites. Enfin, le président du parti Sahwanya Frodebu Nyakuri appelle les deux gouvernements à un dialogue pour établir les responsabilités, estimant que près de 6 décennies après la tragédie, il n'y a plus grande chose à dissimuler. Revue de la presse. Alarme rapatriement des devises, titre le journal Burundi Echo. Cet hebdomadaire spécialisé dans les questions économiques revient sur la réunion entre le deuxième vice-président de la République, le ministre de l'Énergie et Mines et les sociétés et comptoirs. À en croire Burundi Echo, plus de 83% des recettes en devises pour l'or exporté ne sont pas rapatriées. Pour quelles mauvaises raisons, on ne sait pas encore. À cela s'ajoutent les discordances observées entre les données de l'Office burundais des recettes OBR, de la Banque de la République du Burundi BRB et de l'Office burundais des mines OBM liées, dit-on, aux différences constatées dans les déclarations des valeurs au niveau de ces trois institutions, a déclaré Joseph Obutore, deuxième vice-président de la République du Burundi. Les orpailleurs, premiers pointés du doigt dans le non-rapatriement des devises, accusent la BRB d'être le responsable de cette situation, écrit notre confrère. Les frais de commission de retrait sont passés de 0,2% à 0,45%, ce qui occasionnait des pertes pour ces sociétés et comptoirs, souligne un des orpailleurs. La BRB précise plutôt que ces accusations sont fausses et l'annonce par ailleurs que les frais de commission de retrait étaient de 1%. Ils s'élèvent pour le moment à 0,45%. Des élèves qui changent d'établissement pour fuir les enseignants non natifs, titre le journal La Voix de l'enseignant. Le lycée communal de Tchabara, qui avait un effectif avoisinant 350 élèves les années scolaires passées, ne compte aujourd'hui qu'une centaine. Cette diminution est due aux élèves qui sont allés s'inscrire dans les écoles qu'ils croyaient employer plus de natifs et qui faciliteraient leur réussite. Un parent d'élève et membre du comité de gestion gestion de l'école au lycée communal de Tchabara dans la zone Kilwena, qui s'est entretenu avec le journal La Voix de l'enseignant, regrette ce départ des élèves pour des motifs insensés des élèves et de leurs parents. Plus d'un mois après la rentrée scolaire 2018-2019, des problèmes persistent à Changuzo, écrit l'agence burundaise de presse ABP. Beaucoup de cours ne sont pas dispensés dans différentes écoles fondamentales et post-fondamentales suite au manque d'enseignants. Parmi les grands problèmes déjà constatés, selon le directeur Leonidas Tangira, directeur provincial de l'enseignement à Changuzo, c'est le manque criant d'enseignants estimé à 233 unités, dont 128 au fondamental et 105 au post-fondamental. Il précise dans les colonnes de l'ABP que beaucoup d'heures ne sont pas occupées, surtout dans les sections scientifiques et économiques. D'autres problèmes sont liés au manque d'infrastructures dans les salles de classe montantes de la 7e à la 9e année, rapporte l'ABP. Ainsi se referme cette revue de presse présentée par Mireille Kanyange et Jean Bosco Douimana. À la prochaine. Revue de la presse.